Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté des fermes coopératives des arrondissements d'Incheon et de Chungsan pour s'enquérir de l'état de prévention des dégâts de la sécheresse et de celui de la culture agricole. Dans la ferme coopérative de Songhyun de l'arrondissement d'Incheon et de celle de Pungjong de l'arrondissement de Chungsan, il a exhorté les agriculteurs et les militaires dans la campagne contre la sécheresse et les travaux agricoles. Les réunions consultatives tenues sur place ont porté sur des mesures pour prévenir efficacement les dégâts de la sécheresse, de la pluie et du vent, faire valoir au maximum la supériorité du système de responsabilité des champs dans le cadre du système d'autogestion de la sous-équipe, adopter largement des méthodes de culture scientifique conformes à la culture agricole sur les polders, et inventer et introduire activement des machines agricoles efficaces.